La tête entre les mains, je ne peux que penser à rien. Pire que ces migraines de lendemain de cuite, sérieux comment ça crame. Au crâne un boulevard où ne circule que des rouleaux compresseurs. Je me traîne comme ces papis friqués dans leur CLK compresseur. Je vais m'apaiser sur 10 heures, toujours les mêmes zics que je ressors. Dans ces moments j'apprécie la pêche que la nostalgie m'apporte. MC Solar ou Coolio, les beats à l'ancienne grave plaisant. Des trucs qui datent d'au moins 11 ans, plus motivants qu'un gur 11 ans. Y'a des fois où je suis trop nasque, totalement dans le flou je nage. Je perds toutes mes idées de base car je trouve plus mon marque-page. Égaré dans des chapitres qui en temps normal se lisent vite. Je n'en fais juste qu'un résumé puis je passe direct à la suite. Fatigué car tracassé, fatigué car affaibli. Fatigué par les soucis ou quand la nuit j'ai pas dormi. Comme des cicatrices qui peuvent te marquer jusqu'à la fin de ta vie. Le plus dur de s'en remettre quand j'y repense c'est la fatigue de l'esprit. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Ici tout me fatigue, je comprends pas leur délire. Je voulais rouler en caisse et me voilà en plein libre. J'ai trop d'ambition, j'ai rappé sans piston. Faut que je fasse attention, comme quand la piste tourne. J'observe leur manège sans rentrer dans le tourniquet. Moi je ne fais pas stratège pour savoir qui je vais niquer. Les politiques me bassinent, leurs promesses sont faciles. Les bilans trop fragiles, donc Ori nous assigne. Fatigué de les voir se battre dans tous ces combats rues. Ne pas confondre une balafre avec une courbature. Personne ne compatit contre tous ces combattir. J'ai rien à faire là, comme un chat dans un combat tigre. Pour nous y a pas d'issue, enfin c'est ce qu'ils disent tous. La merde on est issus, c'est pour ça qu'on tisse tous. On essuie les rancœurs, répare nos erreurs. Et si je suis fatigué, c'est juste car trop rêveur. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Non, chez moi, le marchand de sable ne passe pas. Je passe des heures les yeux ouverts à rêver de scalpa. Même avec la 8 et l'ORD ça ne s'arrange pas. Même après l'amour pendant des heures, non je n'y arrive pas. Je suis fatigué d'être angoissé, fatigué d'être en retard. Je suis fatigué de lécher les culs, fatigué de traîner les bars. En pharmacie on vend de quoi rejoindre Morphée. Je fume déjà assez de shit, je vais pas commencer les enfers. T'as vu ma mine, 16 mesures bien tassées. Kiffe-le et tu liras ma mine, ya. Même ma fainéantisme fatigue, la politique me fatigue. Les flics me fatiguent. Comment veux-tu que je puisse kiffer un monde qui est lui-même fatigué? D'avancer trop vite, d'en laisser trop sur le côté. Alors je me mets en marge de cet engrenage mal huilé. Au point de finir comme un génie désocialisé. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Les feuilles sont imbibées de sueur, les stylos sont vidés de leur encre. Entre nous, faut que je te l'avoue, je suis fatigué d'espérer. Mes espoirs sont dans un brancard. Fini le temps, on rêve et avec le mal, on a rancard. Dans ce monde, trop de rancœur, protège ton dos et ton cœur de ceux qui parlent avec mépris. Fatigué que les cons m'épient, donc je lui sous paracétamol. Toi, au lieu de faire le bouffe, on va plutôt embrasser ta mère. La peine, on s'y abonne et on la noie dans l'alcool. Fort, tort. Non, je pense pas que j'ai, je dénonce ceux qui me gênent car ça me fatigue comme une nuit blanche. D'apparence sympathique, combien se révèle être une fille franche. Très peu ou pas du tout, comme les mains qui te sortent du trou noir. Car fatigué, on est tous marqués, lourds comme un autocar. Nos cernes sont les conséquences immondes, notre monde qui ne tourne plus rond. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère. Un coup de fatigue nous assène. Si l'ambiance est malsaine, de la Loire à la Seine et du studio à la Seine, on rappe sans mise en scène. On frappe en disant ça, toujours des textes sensés, cernés par un but sincère.